Madame, Monsieur, bonjour. Transversal, le magazine de reportage de la rédaction. Sujet du jour, les élections présidentielles françaises. Premier tour demain, vous le savez, l'occasion de revenir sur la campagne, ses grands moments, ses grands meetings et ses ténors. Avec un reportage, une sorte de best-of ou de grandes photos sonores réalisées par notre correspondante à Paris, Charline Vanhoenacker. Et puis, le côté moins médiatique de la campagne, mais tout aussi important, comme le porte-à-porte, par exemple, ce sera avec Marc Cirlerot. En dernière partie de Transversal, on vous amènera en Amérique du Nord, aux États-Unis, puis au Canada, à la découverte des motivateurs. Je ne vous en dis pas plus. Voilà donc le programme du jour. Vous écoutez Transversal sur la première. Bienvenue à vous. Transversal. Et je vous le disais dans le sommaire, vous allez tout savoir maintenant sur les motivateurs. Alors qu'est-ce que c'est ? Pour le savoir, cap sur les États-Unis et le Canada, c'est là qu'on les trouve. Ce sont des orateurs très charismatiques, un peu comme des prédicateurs, mais ici, ils vendent, si on peut dire, des recettes de réussite personnelle. Et ça marche même très fort. Découverte de ces motivateurs avec Damien Bertrand. Situé à 250 km au nord de Manhattan, le long de l'Hudson, Albany est la capitale de l'État de New York. Depuis 15 ans, la région a misé sur les nouvelles technologies pour enrayer son déclin économique. Les autorités locales ont créé la Tech Valley, une initiative qui concurrence la Silicon Valley pour attirer les entreprises de haute technologie dans la vallée de l'Hudson. Thank you very much. Welcome to the Center for Economic Growth. 15th Annual Technology Awards Luncheon. Aujourd'hui, les entrepreneurs de la région sont réunis pour les Tech Awards, les prix qui récompensent les meilleures entreprises de haute technologie de l'État. Une cérémonie marquée par l'intervention du motivateur John Gordon. À tout moment, nous avons le pouvoir de choisir entre deux directions. La pensée positive ou le pessimisme. La route de la pensée positive mène au succès, à la joie et à l'accomplissement personnel. La route du pessimisme mène à l'échec, au cynisme et au désespoir. À chaque instant, le bus dans lequel nous sommes se trouve sur une de ces deux routes. Et dès que nous avons choisi de monter dans le bon bus, sur la bonne route, tout change. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui quelques techniques qui me paraissent essentielles pour prendre la route positive. John Gordon est écrivain et conférencier professionnel. Plus connu sous le terme de motivateur, son rôle est d'inspirer les organisations et les individus à se dépasser, à surmonter leurs propres obstacles. Si l'humour est assez professionnel avec les humoristes, en Amérique du Nord, le succès est l'expertise des motivateurs. En 2010, les États-Unis comptaient près de 5000 motivateurs qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à $1 milliard. Could you introduce yourself? Est-ce que vous pourriez vous présenter? My name is John Gordon. Quel est le conseil que vous donnez le plus souvent aux personnes qui viennent vous voir? Ce que je dis le plus souvent, c'est qu'il faut changer de point de vue et adopter une perspective positive. Je demande souvent aux gens quelle histoire est-ce que vous voulez vivre. On vit tous dans une histoire, on vit tous dans un film, et vous pouvez choisir le film que vous souhaitez regarder. Si vous n'aimez pas le film que vous vivez en ce moment, changez-le et choisissez un film que vous voulez vivre vraiment. S'agit-il d'une comédie? D'un film d'espionnage? D'un film d'amour? Ou s'agit-il d'un drame? D'un film d'horreur? Et dans ce film, est-ce que vous êtes le héros ou la victime? Sachez que dans tous les films, le héros et la victime se font blesser. Mais si vous êtes blessé et que vous jouez le rôle de la victime, alors vous resterez à terre. Mais si au contraire, vous vous voyez comme le héros, vous vous relèverez. Tout est une question de perspective. Aux États-Unis, la motivation est un commerce extrêmement rentable, qui peut se livrer sous forme de conférences, de CD, de livres, de DVD ou de formations. Avec un salaire supérieur à 30 millions de dollars par an, Anthony Robbins est le motivateur le plus populaire des États-Unis grâce à la commercialisation massive de ses séminaires, de ses CD et de ses produits dérivés. Hi, this is Tony Robbins. Welcome. Bonjour, ici Tony Robbins. Bienvenue à Ultimate Edge, un programme audio pour vous aider à transformer votre vie sur le plan émotionnel, physique, financier et social. Ça vous paraît infaisable? Pourtant, ce programme vous permettra de prendre le contrôle de votre destin, d'avoir une vie conforme à vos rêves, de ne plus vivre de situations où c'est votre environnement qui détermine ce que vous devenez ou ce que vous faites. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier d'avoir le privilège de vous servir. Broadway and Street 109. S'ils restent quasi inconnus en Europe, les motivateurs font en revanche partie intégrante de la culture américaine. Pour tenter de comprendre cette particularité, direction New York, pour rencontrer Todd Gitlin, qui enseigne le journalisme et la sociologie à l'Université Columbia. Hello. Hi, how are you? Ding in there. Come on in. Nice to meet you. Come on in. Y a une chose que j'aimerais bien comprendre, c'est comment est-ce que vous expliquez le succès et la popularité des motivateurs ici, aux États-Unis, alors qu'en Europe, le phénomène est très marginal, voire quasi inexistant. Je crois que nous pouvons expliciter cela en raison du succès extraordinaire du capitalisme aux États-Unis. À la fin du 19e siècle, de nombreuses personnes se sont enrichies alors qu'elles n'avaient pas de facultés particulières. De ce fait, les Américains pensent que réussir est un savoir-faire qui peut s'apprendre et qu'il doit exister des spécialistes capables de l'enseigner. Ce sont les conférenciers qui explicitent les différentes voies conduisant au succès. Et à votre avis, qu'est-ce qui séduit dans le discours des motivateurs ? Le rêve américain, tout simplement. L'idée que chacun puisse réussir à force de volonté, c'est un thème fondamental de la culture américaine. It's a very deep American theme. Thank you very much. Okay. Start spreading the news. I am leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Pourtant, ce rêve américain, cet espoir d'enrichissement, ne correspondrait plus à la réalité. D'après l'OCDE, un Américain aurait moins de chances d'améliorer son niveau de vie qu'un Belge, qu'un Français ou qu'un Canadien. Malgré une réalité économique plus difficile, le rêve américain est toujours aussi présent dans les mentalités aux États-Unis. Un rêve en grande partie alimenté par l'industrie du développement personnel. C'est le point de vue de la sociologue américaine Mickey McGee. Les gens aiment croire qu'ils ont le contrôle de leur vie. Malheureusement, ça ne correspond pas à la réalité. Nous ne sommes pas maîtres de nos vies, mais personne n'a envie d'entendre ça. En réalité, on ne sait pas quand on va mourir, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et c'est extrêmement séduisant d'entendre quelqu'un qui vous dit qu'en réalité, vous contrôlez votre vie. En plus de créer de fausses illusions, le développement personnel sape l'engagement politique. Il incite les gens à travailler sur eux-mêmes dans l'espoir d'une vie meilleure. Auparavant, cet espoir d'une vie meilleure était associé à l'idée de solidarité sociale. Aujourd'hui, cette promesse constitue le fonds de commerce du développement personnel et ça ne marche pas. L'autre fonds de commerce des motivateurs, ce sont les entreprises qui ont régulièrement recours aux services de ces conférenciers professionnels. La journaliste américaine Barbara Ehrenreich a enquêté plusieurs années sur les motivateurs et sur le nouveau courant de la psychologie positive. Elle s'exprime ici dans le cadre d'une conférence du Commonwealth Club de Californie. Un motivateur est particulièrement utile au moment de licenciements massifs. Les salariés mis à la porte sont envoyés dans des cabinets de placement où on leur dit qu'en réalité, ce qui leur arrive est une opportunité. L'autre fonction du motivateur est d'intervenir après le licenciement. Vous faites venir le conférencier avec ses livres et ses affiches pour encourager les gens qui n'ont pas été virés à faire le travail de deux ou trois personnes. Pour moi, le lien est clair. Vous prenez une personne qui traverse un moment difficile dans la vie et vous lui dites que ce n'est pas une mauvaise chose, qu'en réalité c'est une opportunité, une occasion de grandir, une transition. Malgré ces critiques, les motivateurs bénéficient d'une excellente image auprès des médias et de la population. L'industrie gagne même de nouveaux marchés et s'exporte en dehors des États-Unis. Un des premiers pays à avoir été touché par le phénomène est le voisin du Nord, le Canada, où l'on trouve les premiers motivateurs francophones dans la province du Québec. Imaginez que vous et moi sommes l'équivalent de certains organes. Et ce qu'on doit trouver, pour répondre à votre question, c'est où dans le corps humain plus grand, la somme des êtres humains formant un propre corps, où est notre rôle? À la seconde, vous vous placez au bon endroit. Tout arrive pour vous, tout seul. Je parlais hier du biceps. Le biceps n'a pas besoin de chercher du sang. Il a besoin de soulever la table. Et à la seconde où il commence son action de soulever la table, qu'est-ce qui arrive? Le sang arrive. Ce n'est pas son problème de trouver du sang, que nous appelons de l'argent. Pierre Morency est l'un des motivateurs les plus célèbres du Québec. Ce week-end, ils sont une quarantaine à participer au séminaire organisé par le motivateur dans un hôtel de la banlieue de Montréal. Votre défi, c'est de trouver quelle est votre place dans l'échiquier. Et d'y aller tout de suite, pas de dire « quand j'aurai assez d'argent de côté, là je lancerai mon entreprise et je jouerai mon rôle de vie ». Il n'y a personne qui réussit sur Terre qui fait ça. Ils se lancent dans leur rôle et ça vient tout seul après, sans savoir comment faire avant. Donc, vous devez trouver le rôle que vous feriez si vous aviez tout l'or du monde et que vous pouviez écrire le film par excellence pour votre propre vie. Et quand vous faites cette activité, le temps n'existe pas. C'est l'endroit où vous êtes spontanément bon. Ouais, mais Pierre, moi, si j'avais tout l'or du monde, je jouerais au golf. Parfait. Commencez tout de suite. Comment est-ce que vous vous définissez? Un chercheur explorateur. J'aime explorer les différentes facettes de la vie à la manière d'un scientifique empirique. Par exemple, on a terminé une étude sur les couples qu'on a fait sur 3 ans. Et je dis « on » parce qu'à l'occasion, j'ai de l'aide dans ces recherches. Et le processus est toujours le même. On va voir les gens qui prétendent avoir réussi dans le sujet en question. Et on observe, un, si c'est vrai, comment ils mesurent leur réussite. Et deux, que font-ils dans les questions communes? Est-ce qu'ils dorment dans la même pièce? Est-ce qu'ils ont tous les deux un emploi? Est-ce que les deux membres font le ménage? Et on fait la tour de toute une série de questions. Et après ça, on compile et on essaie de faire des méthodes. Après ça, en disant, bien, ce n'est pas absolu, mais voici ce que font les gens qui réussissent le mieux dans ce domaine. Alors, c'est de l'exploration scientifique. Et comme j'ai un côté artiste, ayant fait du patinage artistique et des concerts de piano, j'aime performer pour faire un spectacle. Voilà. Physicien de formation, Pierre Morency a travaillé en tant que consultant auprès de plusieurs cabinets de conseil. En 2002, il écrit le livre « Demandez et vous recevrez » qui devient un véritable best-seller au Québec. Il crée par la suite la Ligue du Succès, une entreprise chargée de commercialiser ses conseils sous forme de conférences, de séminaires, de livres, de coaching et même sous forme de CD. La collection Coffre à gants présente « Demandez et vous recevrez » de Pierre Morency. Narration Pierre Morency. Alors, qu'est-ce qui distingue les êtres humains des vaches, des chevaux et des cochons? Après tout, nous mangeons, dormons, copulons et travaillons tout comme eux. Nous sommes aussi capables de penser. Voilà. Alors, vous passez combien de temps par semaine à penser? Dans votre horaire hebdomadaire, combien d'heures sont réservées exclusivement à penser? Des périodes où vous n'êtes pas au bureau, pendant lesquelles vous marchez en vous grattant la tête pour trouver des façons d'améliorer l'efficacité et l'intensité du reste de vos heures. Ah, c'est bien ce que je croyais. Si vous ne prenez pas le temps de penser pour améliorer votre efficacité et la couleur de votre vie en général, qui le fera? Dans votre entreprise, dans votre travail, qui pense? Chez vous, qui pense? Dites-vous bien que si vous ne pensez pas, vous n'êtes pas mieux, je m'excuse, qu'une vache, un cheval ou un cochon. Alors voici un grand principe. Vous devez limiter vos heures de travail à 30 par semaine au maximum. Vous devez prendre au moins une journée entière chaque semaine pour penser. Et cette journée ne peut être passée au travail. Mais voyons, Pierre, c'est impossible, je manque déjà de temps. Vous manquez de temps justement parce que vous ne prenez jamais le temps de considérer comment vous pourriez accomplir la même besogne en moins de temps. Surtout, ne me dites pas que vous avez un employeur rigide, un contrat de travail fixe, que vous êtes rémunéré à l'heure et patati patata. Vous croyez vraiment que les gens qui ont les plus belles vies travaillent 90 heures par semaine? Voyons donc, vous croyez sincèrement que les personnes qui gagnent 10 à 100 fois plus d'argent que vous travaillent 10 ou 100 fois plus d'heures que vous? Pas du tout. Les gens qui réussissent sont même ceux et celles qui travaillent le moins. Moins d'heures de travail égale plus de richesse. Mais ces personnes se donnent la peine de mettre au point les méthodes qui leur permettent de maximiser leur efficacité et ainsi d'avoir la possibilité de vivre une vie plus excitante que la moyenne. Alors Pierre Morency, vous n'êtes pas uniquement conférencier, vous êtes aussi Chanteur? J'écris et je compose. Ma fille est chanteuse. Mais j'écris paroles et musique. C'est un peu par hasard. J'ai écrit la chanson « Yes, on est dans la marde » comme chanson de motivation pour le public en général, pour finalement dire que quand ça va pas bien, c'est peut-être une chance. Lorsqu'on a des problèmes, peut-être que le problème va se convertir en avantage, puisque le fumier sur Terre, sans fumier, pas d'engrais, pas de nourriture, donc il faut du fumier. C'est une chanson pour toi qui cherche une meilleure vie, qui croit que la malchance partout le poursuit. Écoute bien mon ami, car ensemble je te le dis, que l'on va créer ton paradis. Déjà la fin du mois, y a les comptes à payer, les assurances pas le choix, le champ pis le loyer. Il te reste plus un sou quand t'as joint les deux bouts. Encore une autre facture, maudit que ça va dur. Yes, yes, yes, yes, yes, on est dans la marde. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, on est dans la marde. Yes, yes, yes, yes, yes, on est dans la marde. Yes, yes, yes. Voilà donc ce reportage de Damien Bertrand sur les motivateurs, véritable star en Amérique du Nord et un marché qui semble assez juteux puisque les revenus générés par la vente de conférences et des produits dérivés, des motivateurs, les livres, les cassettes DVD dépassent désormais 1 milliard de dollars aux États-Unis et ça commence à faire tache d'huile au Canada. Et c'est ici que se referme Transversal. La semaine prochaine, on vous emmène au Qatar, dans la péninsule ibérique. Le Qatar et Al Jazeera, le CNN arabe, comme on dit souvent. Nicolas Willems revient du Qatar. Rendez-vous donc samedi prochain pour Transversal. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission.